je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ludologie. Oui, c'est bien moi, vous reconnaissez ma voix, c'est Manuel. Je suis de retour après quelques petites aventures professionnelles qui m'ont tenu loin des micros pour le précédent numéro, mais celui d'aujourd'hui, je n'avais aucune intention de le louper. Bon, celui d'il y a 15 jours non plus, je dois bien vous l'avouer, j'aurais aimé être là, on aurait pu discuter d'élégance, d'esthétique et tout un tas de choses très intéressantes. Je pense qu'on reviendra de toute manière sur la thématique parce qu'il y a plusieurs façons de l'aborder. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui risque de toute manière d'être évoquée à nouveau à plusieurs reprises dans la saison, parce qu'elle n'est pas neutre, elle est même très intéressante, et pour tout vous dire, on n'y avait pas vraiment pensé tout seul avec Adrien, il a fallu que un auditeur enthousiaste qui avait des choses intéressantes à raconter vienne nous dire « Dis donc, vous devriez parler de ce sujet-là, ça a l'air pas mal », et on s'est dit « Bah oui, pourquoi pas », et puis en plus il a l'air de s'y connaître dans le domaine, donc on a décidé de l'inviter. Notre invité s'appelle Thomas B, et aujourd'hui on va vous parler d'une question un peu étrange, qui est la présence du corps dans le jeu. Voilà, une question qui est assez peu pratiquée. Alors, je suis en compagnie, évidemment, d'Adrien, qui est au bout du fil, parce que là, aujourd'hui, on est en super délocalisé, n'est-ce pas, Adrien ? Oui, on est aux quatre coins de la France et de Navarre, et même de Suisse, je crois. Ouais, c'est ça, Lausanne, en Suisse. D'habitude, en fait, il faut savoir que Manuel et moi-même se retrouvons au moins minimum chez lui autour d'une bière, et si possible avec la troisième personne. Mais là, les aléas ont fait que nous bougeons. Alors j'ai quand même pris une bière hein, pour ne pas déroger complètement à la tradition, et puis surtout pour ne pas déroger du tout à la tradition, on va parler de jeu avec notre invité, Thomas B, comme je l'ai précisé. Alors Thomas, on va poser une première question histoire de situer un peu les choses. Qui es-tu donc ? Bah, je suis un joueur, un auteur de jeu par moment, mais surtout un joueur. Donc, comme tu as présenté avant, j'ai remarqué que Ludologie couvrait beaucoup de jeux, ce qui était très bien, et que c'était sans doute une rare émission à couvrir à la fois le jeu de rôle sur table, comme n'importe quel autre jeu, comme les jeux vidéo, comme ce genre de choses. Et c'est vrai que je fais du jeu de rôle, mais je fais aussi du jeu de rôle grandeur nature. Donc, on incarne les choses avec son corps. Je fais ça à peu près depuis 1996, jeu de rôle sur table depuis 89, et puis j'en ai écrit, donc j'ai écrit du matériel pour des jeux de rôle comme In Nomine Satanis, Magna Veritas, j'ai pas mal de critiques, j'ai écrit quelques jeux de rôle grandeur nature qui vont de thèmes alors de la croisière s'amuse jusqu'au Kung Fu Hip Hop, et puis j'aime bien jouer dans différents pays, je suis expat depuis 99. Et donc, j'ai joué pendant quelques années aux États-Unis. Maintenant, je joue en Suisse et j'ai pas mal joué aussi dans les pays nordiques, en Allemagne. C'est l'occasion de tester des nouvelles choses, quoi. Et puis, j'aime bien faire tourner toutes ces expériences pour que, quand t'as trouvé un truc super dans un pays, tu le fais passer aux autres. Ou quand t'as trouvé un truc dans un jeu, tu le fais passer à d'autres joueurs, d'autres types de jeux pour essayer de faire des jeux meilleurs, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au jeu de rôle grandeur nature, justement? Alors c'était le jeu de rôle sur table, donc dans le jeu de rôle In Nomine Satanis Magna Veritas, on joue des anges et des démons qui sont sur Terre, qui font un peu la guéguerre, un peu comme dans le film Dogma ou le bouquin de bons présages de Neil Gaiman et Terry Pratchett, et nos chefs, des archanges et des princes démons. Et un jour, il y a des éditeurs, à l'époque s'appelait SPSR, qui avait sorti un bouquin, donc c'était une soirée enquête, donc ils proposaient aux gens de jouer les chefs, donc les archanges et les princes démons, pendant une soirée un peu donc murder party, ambiance meurtre, sauf que là, au lieu que ce soit le colonel Moutarde qui ait tué quelqu'un, c'était Dieu qui était mort. Et donc pour la première fois, on pouvait incarner ça physiquement, se mettre dans le salon, et puis décider de la destinée de l'univers, maintenant que Dieu était mort, comment les archanges et les princes démons allaient s'arranger. Donc en tant que jeune fan du jeu, le fait de pouvoir faire ça, c'est super, et permettait surtout, surtout pour moi à l'époque, de ne pas avoir à les mettre en forêt pendant un week-end à se taper dessus avec des épées en mousse, qui était un peu l'image du GN, donc du jeu de rôle grandeur nature que j'avais à l'époque, quoi. C'était ça vraiment le déclic, faire ça tranquille à la maison avec un univers que j'aimais bien, quoi. Eh ben, c'est une expérience qui est tout à fait, enfin, qui est un peu l'antagoniste à la mienne, parce que par exemple, là récemment, je discutais par mail avec Coralie David, donc qui a fait des recherches dans le jeu de rôle, et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais déjà joué à un jeu de rôle, contrairement à ce que je pensais, puisque j'avais déjà joué à un jeu de rôle grandeur nature. Et justement, est-ce qu'on peut déjà repréciser quelles sont les différences et les points communs entre jeu de rôle dit papier et jeu de rôle grandeur nature? Ouais, alors le jeu de rôle papier ou jeu de rôle sur table, comme son nom l'indique, a un support physique et il y a des feuilles de papier, et qui a souvent une table. Donc les gens sont assis autour d'une table et racontent une histoire à plusieurs. Donc comme chaque personne autour de la table a un personnage, ou plusieurs parfois, elle va l'interpréter, donc il y aura des moments de jeu d'acteur. Mais globalement, tout ce qui est physique, tout ce qui est environnement, tout ce qui est décor, va se faire par la parole. Donc on va décrire le château, on va décrire l'attaque des dragons, voilà. En jeu de rôle grandeur nature, on va faire ça avec son corps. Donc on va être debout, on va être dans un lieu, si possible, qui colle avec l'univers qu'on veut. Et on va essayer de faire en sorte, d'un point de vue logistique et organisation, d'avoir des objets plus ou moins bien faits, plus ou moins fidèles, plus ou moins réalistes, pour représenter ce qu'on va faire. Donc ça, les points communs sont le fait de jouer un personnage, le fait de créer une histoire à plusieurs. La grosse différence, c'est justement toute la matérialité, tout l'usage du corps, et les limitations, les potentiels qui viennent avec. Donc typiquement, en jeu de rôle sur table, la seule limite étant l'imagination et la parole. On peut faire voilà, des bagarres gigantesques, des destructions d'astéroïdes, des scènes à la Star Wars comme ça, pour faire un jeu de rôle grandeur nature Star Wars, c'est possible aussi, moi je vais en faire un dans quelques semaines, mais cadré. On va plus faire le jeu dans la cantina de Mos Eisley, ou si on fait ça dans un vaisseau, on va se débrouiller avec des projecteurs, avec des ordinateurs, avec des choses comme ça, on va pas avoir un vrai vaisseau. Voilà, c'est la différence entre les deux. Pendant qu'on en est sur aux définitions, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu ce que c'est les murder parties et les soirées enquêtes? Ouais, alors ben en fait c'est un type de GN. Donc ça fait partie des choses que je déteste quand les gens disent « Ah non, moi je fais pas du GN, je fais de la murder party ». C'est un peu comme dire « Ah non, moi je fais pas du cinéma, je fais du court-métrage ». Si, tu fais un sous-type de cinéma qui s'appelle court-métrage, qui se caractérise par quelque chose de plus court, souvent avec un plus petit budget. Et une murder party, une soirée enquête, c'est la même chose, c'est un GN qui est court, qui est souvent se fait en huis clos, donc il y a beaucoup de gens qui appellent juste ça des GN en huis clos, qui se fait avec un nombre limité de personnes, donc on va dire... grand minimum 2, parce que sinon ça devient bizarre, et t'arrêtes à peu près à la vingtaine, et puis qui se joue le plus souvent sur une soirée, dans un lieu à peu près limité, souvent en intérieur. Mais c'est tout est question d'échelle, quoi. Un jeu à 100 personnes, la plupart des gens vont dire « Ah oui, non, c'est pas une murder party », mais s'il se passe sur une seule soirée, dans un seul lieu, voilà, c'est juste les murder parties, les soirées enquêtes sont juste des GN courts, avec un nombre de personnes limitées, sur une durée limitée, et qui souvent... tourne autour de la résolution d'une énigme policière, donc un vol, un meurtre, ce genre de choses. Mais pas forcément. C'est vraiment une. C'est juste que c'est le thème le plus connu étant très Agatha Christie. C'est pour ça que ça a été adopté par des Français, sachant que les anglophones n'utilisent pas du tout le terme de murder party. Donc c'est une des bonnes raisons de pas l'utiliser en fait. Moi, j'ai une autre question qui me vient très vite à l'esprit. C'est comment on écrit, on construit, on conçoit un jeu de rôle grandeur nature, et en quoi c'est différent d'un jeu de rôle papier? Et je pense que, enfin, la réponse, la piste en tout cas qui est donnée dans le titre de ce podcast, c'est peut-être le corps justement qui serait peut-être générateur de narration, non? Oui, alors tout à fait. Alors d'abord, enfin, je pense d'abord la première différence est en fait sur le côté interventionnisme. Donc souvent, pas toujours, mais en jeu de rôle, ou en tout cas en jeu de rôle sur table, pardon, en jeu de rôle sur table traditionnel classique, il y a un meneur de jeu qui sert un peu de metteur en scène, d'animateur, qui peut par exemple avoir le contrôle du temps, décider de faire des coupes, faire des flashbacks, ce genre de choses. Et il y a beaucoup de réglages entre ce meneur de jeu et les joueurs. Les joueurs jouent leur personnage pendant quelques instants, ils discutent, le meneur de jeu décrit, et il peut contrôler un petit peu ce qui se passe. Ou en tout cas, les joueurs peuvent accorder leur violon beaucoup plus fréquemment. En GN, en fait, une fois que le jeu est lancé, le contrat social habituel du GN fait qu'on ne va pas l'interrompre. Et donc l'organisateur, parce qu'en général, il y a quand même un organisateur, donc soit qui écrit le scénario, soit qui se l'est procuré, aura très rarement le pouvoir de faire des raccords, de faire des pauses, des arrêts. Et donc, quand on écrit un GN, la plupart du temps, vaut mieux qu'il soit écrit pour qu'il tourne tout seul, en fait. Qu'on ait prévu dans les personnages des éléments d'histoire, des moteurs, des motivations, des problématiques qui vont faire tourner des scènes sans que l'organisateur soit là. Donc il n'y a pas vraiment de meneur de jeu équivalent. Donc c'est une première chose. Ensuite, il y a effectivement la notion du corps qui est donc être la limite. Et ça pose des limites donc de logistique. On a parlé avant de taille du lieu, de ce genre de choses, mais il y a aussi, et c'est beaucoup plus important, des limites sur les personnes qui sont là avec leur corps, et notamment avec tout ce qui touche à la violence, au sexe, enfin toutes les limites corporelles qu'on pourrait avoir, qu'on n'aura pas si on fait juste décrire les choses avec la voix. Là, les choses, on va devoir les faire, et la question c'est où est-ce qu'on met la limite, comment est-ce qu'on va simuler le combat, comment est-ce qu'on va simuler le sexe, pour respecter l'intégrité corporelle et psychologique des joueurs, quoi. Alors justement, ce qui a mené, je le disais en ouverture de ce podcast, ce qui a mené à cet échange, à cet enregistrement aujourd'hui, à cette émission, c'est un assez long email que tu nous as envoyé où justement où tu nous parlais de toutes les approches qu'il pouvait y avoir liées au corps dans le GN. Comment est-ce que tu en es venu à réfléchir sur ces questions-là? Parce que j'imagine que c'est pas le cas de tous les pratiquants de jeux de rôle grandeur nature. Il y en a qui viennent quand même juste pour bourriner avec leurs épées en mousse, non? Ouais, et je pense que c'est une manière complètement valable de faire du GN, mais c'est une des manières. En fait, là, moi, je sais pas comment j'y suis venu en posant la question sur la question des sources de plaisir. Voilà, pourquoi est-ce qu'on joue à tel jeu? Qu'est-ce qui nous apporte? Et le jeu de rôle au sens large et le GN en particulier peuvent apporter tout un tas de choses. Une des choses qu'il apporte, c'est des expériences physiques, des expériences psychologiques. Et plus une expérience en fait est physique et inclut l'ensemble du corps, c'est-à-dire les sens, vraiment du toucher, au goût, l'odorat, et l'interaction sociale, et la notion de confort, d'inconfort, de température, tout ça en fait décuple la puissance si c'est bien fait bien sûr, décuple la puissance de l'expérience, et donc au lieu de par exemple d'être dans un jeu vidéo où on va avoir principalement du visuel, de l'auditif et un petit peu de tactile, dans un jeu de rôle sur table on va avoir quasiment que de l'auditif, et en visuel ce sera un peu les mimiques des copains et les résultats des dés. En GN, on a ça, plus l'odeur du sanglier qui est en train de rôtir à la broche, les douleurs musculaires quand on vient de se taper 200 mètres dans des bottes en cuir qui sont pas forcément faites pour ça. Voilà, on a en fait une sorte de surstimulation qui peut amener des effets beaucoup plus forts. Encore une fois, c'est mon avis, tout ce qui est plus subjectif, mais qu'un jeu à un thème équivalent amènerait sans stimuler en fait toutes ces autres parties du système nerveux, quoi. Au-delà effectivement de la stimulation, on voit très vite l'immersion qui est un peu cette marotte qu'il y a notamment dans le jeu vidéo. Il y a cette volonté d'immerger le joueur dans une histoire, dans un univers. Ce que je trouve moi en tout cas passionnant dans le GN, pour l'avoir pratiqué un petit peu, c'est la capacité de création par le corps. Par exemple, effectivement, tu l'as évoqué, on a mal au pied parce que on a marché 200 km, etc. Comment gérer cet imprévu du corps, enfin pour quelqu'un qui écrit du jeu de rôle grandeur nature? Je pense la manière d'abord de, enfin ça va être tout con, mais d'abord la sécurité. C'est-à-dire quand on écrit un jeu, on va essayer de faire en sorte que les gens vont pas être amenés à faire des choses dangereuses, que ce soit pour eux ou pour les autres, pour l'environnement. Écrire un GN, c'est vraiment penser à la matérialité de l'événement et donc à toutes ses limites. Ça va pouvoir être utile. Par exemple typique, voilà, je suis un GN au château de Chillon en tant que joueur, qui est le monument le plus visité de Suisse, qui est un château magnifique dans le lac Léman. Donc les douves sont le lac. Si on écrit un jeu qui se passe là-bas et qu'on fait des scènes qui se passent tout en haut du plus grand donjon et tout en bas de la cave, dans les vraiment dans les geôles, il va falloir penser est-ce que j'ai des joueurs qui seront physiquement capables de le faire. Si j'ai des joueurs qui sont handicapés, est-ce qu'ils vont pouvoir faire les trajets. Donc est-ce que je vais écrire des scènes qui se passent à la fois en haut et en bas, comment est-ce que je vais répartir mes gens, est-ce que je vais demander à mes joueurs de marcher 20 km pendant le jeu, est-ce que toutes ces choses là en fait faut penser vraiment aux limitations d'abord à la sécurité. Après, si j'ai des effets, si je veux rendre un jeu tendu, par exemple, j'ai fait un GN Battlestar Galactica, donc inspiré de la série de science-fiction qui se passe dans des vaisseaux spatiaux, et le but du jeu était vraiment d'avoir des tensions entre deux équipages. Le jeu se passait dans un destroyer de la marine suédoise qui était à quai, mais c'est un bateau qui est en fait entièrement en métal, à quai, en hiver, en Suède. Donc il fait froid, les murs sont froids, ça va induire une tension, ça va induire un inconfort qui va marquer l'ambiance du jeu. Et donc là, les auteurs ont clairement pensé l'environnement comme étant source d'immersion pour le coup, parce que le niveau d'inconfort, tout comme à l'opposé, le niveau de confort dans un banquet avec des tapis confortables et bien à manger et à boire, va être pensé à l'avant pour influer le cerveau du joueur par ce que va lui dire son corps avant même qu'il ait dû penser ou imaginer quoi que ce soit. Et ça c'est extrêmement fort, parce qu'on bypasse complètement le travail d'imagination en affectant le cerveau du joueur comme ça. Après, il y a toujours un boulot d'imagination à faire. Voilà, si on est un truc médiéval et quelqu'un porte des lunettes, on va filtrer les lunettes parce qu'on a pu voir. Puis voilà, quoi. Pardon, j'ai l'impression que... voilà, je vais essayer de pas trop mourir trop vite, mais... Mais avant, quand même, j'ai des questions à poser. J'ai l'impression que les deux facteurs, tu parlais de sécurité, d'accessibilité, de rapport au confort, finalement, les deux facteurs très présents que tu as évoqués tout au début quasiment du podcast, c'est la violence et la sensualité. C'est les deux interdits avec lesquels on joue un petit peu, finalement, en GN, quand même. Alors, c'est les deux interdits avec lesquels on joue dans la vie. T'as qu'à regarder la pub, les médias, si tu veux vendre. Oui, mais en GN, on fait semblant d'eux. Justement, c'est là où c'est deux rapports à l'autre qu'on ne pratique que rarement dans les jeux. Alors voilà, exactement. C'est des rapports à l'autre qu'on pratique, dans le cas de la violence, si possible, le moins possible dans la vraie vie. Dans le cas du sexe, sans doute un peu plus. Mais effectivement, qui sont souvent dissociés du jeu. Sauf, en fait, ça dépend. C'est-à-dire qu'en termes de, les enfants jouent à se battre. Après, les adultes font des sports de combat pour le fun, ça arrive aussi. Donc c'est possible, c'est encadré. Là, et on peut faire du GN sans sexe ni violence. C'est très important. Le stéréotype, des épées en mousse, et ce genre de choses. Oui, c'est une partie du GN, mais il y a des GN qui permettent, de faire une enquête, la Sherlock Holmes la plus comme il faut, sans qu'il y ait le moindre coup de feu tiré et la moindre scène de séduction. Il y a des gènes qui peuvent parler de rupture amoureuse, de tous les thèmes sont possibles. Après, l'avantage, si on veut aborder le sexe et la violence, le gène est un bon moyen, dans le sens où on va pas s'autoriser à tout faire, on va mettre des limites, et c'est des limites qui vont être gérées par les lois, par la culture sociale du groupe, par les envies du scénariste, les limites personnelles que les joueurs vont se mettre, et toute la communication qui va se faire en amont en disant, typiquement, moi, je fais beaucoup de GN, mais si un jour quelqu'un organise un GN avec l'idée stupide d'avoir des armes rigides, comme par exemple ce qui se fait en Russie, là-bas c'est complètement normal, ils se tapent dessus avec des armes en plastique, en bois, voire en métal. Moi, si quelqu'un organise un GN avec ça comme manière de gérer la violence, j'y vais pas, tout simplement. Quoi. Ça explique des tas de choses sur les Russes. Ouais, la vie humaine est considérée un petit peu différemment... en Russie. Mais voilà, et à côté de ça, si quelqu'un, organise un GN en disant on va pas simuler le sexe, ce sera de vrais rapports sexuels, je pense qu'il va surtout se prendre un procès et qu'on va arrêter les conneries très vite, quoi. Donc voilà, ça permet, dans un cadre précis et avec des règles claires, de jouer avec des thèmes qui effectivement deviennent faisables vu qu'on fait semblant. La question de jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on met comme limite, après négociable selon le jeu, quoi. On a parlé des limites en fait avant le jeu, mais pendant le jeu, comment se passe justement le contrôle de la règle, tout simplement qui vient dire à un joueur non là tu joues pas dans les règles, et comment ça se gère en jeu? Alors c'est une très bonne question et ça dépend des jeux. Donc si tu fais encore une fois un petit huis clos à 15 dans ton appart, c'est l'équivalent de si quelqu'un abuse pendant une soirée, tu peux aller le voir toi en tant qu'organisateur et aller lui dire si possible discrètement dans l'oreille, voir s'il a fait une grosse connerie, arrêter le jeu. Et donc souvent il y a des codes, donc ça peut être juste dire hors jeu, ça peut être dire stop, il y a tout un tas de mots-clés de sécurité. Sur un jeu plus gros, où là, l'organisation ne sera pas partout, il n'y a pas des caméras partout, c'est important d'avoir bien cette mise d'accord sur le contrat social du jeu à l'avance, sur les règles, donc les avoir fournies à l'écrit, les avoir fournies par exemple sur le site web, avoir fait un briefing au début. Et la meilleure manière d'impliquer des règles, surtout quand elles sont nouvelles ou quand elles sont un peu spéciales, c'est de faire des ateliers. C'est-à-dire qu'avant que le jeu démarre, avant qu'on rentre tous dans la fiction, avant qu'on joue nos personnages, certains organisateurs, ça se fait de plus en plus, c'est quelque chose qui vient des pays nordiques, et moi maintenant que je fais à chaque fois en tant qu'organisateur, on fait des petits jeux, des petites répétitions, des petits tests, des différentes règles. Donc ça peut être des règles de combat, comme des règles de... Je sais pas, des règles d'insultes, par exemple, si on fait un GN, on dit qu'on va pas quand même s'insulter en vrai, mais ou alors on va mettre certaines limites, on pratique, on fait des tests avant, ça permet de se connaître, de voir jusqu'où on va mettre la limite. Et après, c'est la responsabilité de chaque joueur, d'intervenir s'il y a un souci et d'arrêter, quoi. Et donc ça, c'est important que toutes ces choses-là aient été discutées avant et pendant, d'avoir des mots-clés, des safe words, qui est un terme sans doute emprunté au sadomaso pour le coup, mais qui permettent d'arrêter une scène sur le moment ou de signaler sans interrompre le jeu parfois, de juste dire aux gens de se calmer un peu. Il y a un des mots-clés peut être freine, par exemple. Tu dis le mot freine pendant la conversation. Et la personne est supposée, si elle est trop violente ou si elle est, trop séduisante, de se calmer un peu sur la manière dont elle joue son jeu, quoi. Donc, alors, les mots-clés sont hyper importants pour ça. Ouais. Justement, tu as évoqué, la culture SM, BDSM. On voit quand même pas mal de proximité, finalement, les mots-clés de sécurité, mais aussi un rapport au costume, un rapport à l'objet, le fait de se mettre d'accord en amont, le fait que ça tient du jeu, ça tient du jeu de rôle, justement, où on va se positionner dans un rôle qui n'est pas nécessairement le sien habituellement. Il y a des réflexions qui traversent ces deux mouvements-là, et des gens qui peut-être ont sont passés par les deux cases, si je puis dire, qui du coup enrichissent un peu les pratiques. Oui, tout à fait. Alors c'est le genre de choses, si on dit ça aux GNistes francophones lambda, il va rougir et se sentir très mal à l'aise. mais oui, ça a été étudié. Il y a notamment Yitwoma Sarviainen qui est un GNiste pratiquant de BDSM et théoricien, toutes ces choses-là, qui a fait une thèse incluant notamment les jeux BDSM, les jeux de rôle, et je sais plus s'il avait rajouté les jeux vidéo, pour voir les parallèles. Donc il y a clairement des parallèles. Il a même justement tenté le mélange. Il avait été contacté par, ça devait être un club échangiste qui voulait améliorer un peu la scénarisation de ces soirées BDSM. Alors c'est limité en fait sur la notion du but. Quand tu fais du BDSM, globalement, mais de toute façon c'est applicable à toutes les activités sexuelles, il y a un but de plaisir, et il y a un but de plaisir qui peut être vraiment sexuel. À partir du moment où on fait du GN, le but il peut être de plaisir, mais il peut être d'autres, ça peut être des explorations de tel ou tel thème. Le problème quand on rentre vraiment dans le plaisir sexuel physique, c'est que ça a tendance à accaparer tes sensations d'une manière où toute la fiction, le prince machin, ou l'ambassade pays bidule et tout, c'est marrant, mais les gens ont tendance à sortir de leur personnage, et il y a juste qui fait le moment. Et donc, les premiers retours qui ont été écrits de ce genre d'expérience, en fait, c'est que c'est un peu meilleur le jeu de rôle et le scénario était, moins les gens kiffaient, et inversement, en fait. Plus le rapport sexuel encadré était agréable, et moins, en fait, le jeu était intéressant, et moins ils arrivaient à rester dans le jeu. Donc, il y a des techniques similaires, mais l'immersion était, l'immersion sexuelle versus l'immersion ludique avait pas l'air très compatible. D'accord, c'est rigolo parce que c'est des approches qu'on n'imaginerait pas forcément transversales entre des types en armure en train de se battre à coups d'épée en mousse dans les plaines et une dominatrice dans son donjon. Mais effectivement, elle est dans un donjon et c'est probablement, c'est, enfin le mot sort probablement pas de nulle part de ce point de vue-là. Toi, tu as eu l'occasion, de par ta pratique du GN, de t'interroger sur le corps en jeu. J'imagine que tu as élargi cette réflexion-là, pas seulement au GN, mais à ce que tu fais de ton corps dans les différents jeux. Enfin, je sais que, par exemple, en jeu de rôle, tu le précisais un peu plus tôt, le rapport au corps est presque tabou, finalement. Il y a très peu de jeux où on utilise son corps en jeu de rôle traditionnel, et les quelques-uns où c'est fait, pour ce que j'en connais, en tout cas, souvent entendu des retours de joueurs ou de lecteurs qui disaient je veux pas jouer à ce jeu-là parce que si c'est moi en tant que personne qui dois agir, c'est plus mon personnage, donc je suis plus dans du jeu de rôle. Alors, ouais, moi, il y a deux choses. Moi, d'un point de vue personnel, l'approche, elle est plus. J'ai une formation de neurobiologiste, donc je suis plus intéressé par les effets sur le cerveau. Et donc, je mène une réflexion là-dessus. Pour l'instant, c'est de la littérature, mais je passerai aux expériences derrière, juste pour enregistrer un certain nombre de signaux biologiques pour voir, bah, voilà, justement, ce qui se passe quand je fais du jeu de rôle sur table par rapport à du GN. Ce sera plus du test technique vraiment que de la vraie recherche sérieuse. Après, on en revient à la question de quand tu fais un loisir, tu le fais pour certaines raisons, et donc il t'amène certaines sources de plaisir ou de, on va dire, de satisfaction. Et y a des, voilà, tu signes pour un certain type d'interaction. Si tu as signé pour effectivement être autour d'une table et raconter des histoires, moi je comprends tout à fait qu'à partir du moment où le gars qui est au bout de la table se lève et met ses mains sur tes épaules et te met à te hurler à l'oreille pour simuler le sergent instructeur dans ton unité au Vietnam, je comprends que si t'as pas signé pour te faire secouer les épaules et te faire hurler dessus, tu ne sois pas content. Donc ça c'est vraiment je pense pas qu'une méthode est supérieure à l'autre. Moi c'est juste que dans mes tests personnels, j'ai vu que ça déclenchait des émotions qui étaient plus fortes, et je pense que c'est des techniques qui peuvent être utilisées. Il y a beaucoup de meneurs de jeu en jeu de rôle sur table qui justement se lèvent, jouent avec la distance, jouent avec la lumière, jouent avec le ce genre de choses, mais c'est pas nécessaire. Ah, mais je pensais pas nécessairement. C'est plus une question. Ouais. Je pensais pas nécessairement au meneur, mais par exemple, j'ai l'exemple du jeu Dread de Epidia Ravachol, qui est un jeu d'horreur, où l'action se résout à l'aide d'une tour de Jenga. Alors, dans le jeu, il a pas le droit de dire Jenga pour des questions de droit, mais en gros, à l'aide d'une tour de Jenga, où quand les personnages veulent faire des actions risquées, les joueurs doivent enlever un palais de la tour de Jenga, avec le risque qu'elle s'effondre, et quand elle s'effondre, les choses vont tourner très très mal. C'est là, pour le coup, on est dans la corporalité, c'est-à-dire que le joueur, il est obligé d'agir, il est obligé de faire preuve de dextérité pour que son personnage puisse réussir quelque chose. Et ça, j'imagine qu'en GN, c'est pas un problème de devoir faire appel à son corps, de soi, même si on est un petit maigrichon et qu'on veut jouer un gros barbare. J'imagine qu'il y a des modalités à trouver, mais effectivement, j'ai l'impression, enfin, je sais pas quel regard tu as eu, toi, justement, une fois que tu as pris conscience de cet enjeu du corps dans le jeu, comment tu as regardé les autres pratiques, que ce soit le jeu de société, jeu vidéo ou le jeu de rôle. On reviendra de toute manière sur les questions de jeu de société et de jeu vidéo, parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont peut-être plus larges qu'on pourrait le penser intuitivement sur le rapport au corps. Ouais. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on n'est plus dans le contrat social, mais on est dans la question de la réussite et de la compétition. Les gens qui se plaignent de devoir, avec leur petit doigt gourd, retirer des lamelles de bois de la tour eux-mêmes, le souci, il est sur « ah oui, mais je vais rater ». Ou « machin, il est plus agile, donc c'est pas juste, il va réussir », alors que ça devrait être son personnage. Et ça, c'est un problème qui n'est toujours pas réglé. Dans le GN notamment, et qui a même des implications politiques, parce que pour en revenir... aux joueurs handicapés en fauteuil roulant, de quel droit on lui interdirait de jouer le pro chevalier qui gagne les tournois tous les ans? Est-ce que c'est au nom du réalisme, entre guillemets? Mais là, ça devient un terrain glissant. Et comment est-ce qu'on fait, sans aller dans des extrêmes, donc de handicap, effectivement, comment est-ce qu'on fait si le petit gringalet veut jouer un gros barbare? Donc là, pour simplifier, il y a deux approches. L'approche américaine, on va réutiliser les techniques du jeu de rôle sur table, donc on va mettre des points, on va mettre des compétences, on va mettre des... les Belges sont très techniques aussi sur ce genre de choses, donc on va mettre des règles supplémentaires qui sont pas dépendantes du corps, donc on va décorporaliser le GNiste pour que quand il tape, le petit gringalet, quand il tape, il dit 27, et il va te taper 27 points de vie, quoi. Alors que les autres, ils vont taper à 1. Et après, il y a d'autres jeux où on dit c'est hors de question d'avoir ce genre de système. C'est hors de question de hurler des chiffres quand on se bat. Non, on se bat, et puis bah, quand tu te prends un coup, c'est un coup, donc c'est à toi d'être bon. Mais c'est à ce côté bah, injuste qu'une personne qui va être pas rapide ou mauvaise en escrime ou voilà, bah, n'arrivera pas à jouer ce qu'elle veut jouer, quoi. C'est est-ce qu'on laisse quelqu'un de 2m50, non, ça fait un peu trop, on va dire de 2m10 jouer un hobbit, par exemple. Est-ce que s'il a juste un costume qui fait un peu Bilbo, il a le droit, ou est-ce qu'on dit non, désolé, on prend que les gens jusqu'à 1m50 pour faire les hobbits? Ça, c'est un débat, ça va dépendre complètement de chaque organisateur et chaque groupe. C'est toujours pas réglé, quoi. C'est intéressant comme analyse, parce que ma question qui me vient très vite à l'idée, c'est quelle est l'évolution que tu as pu observer toi dans la pratique du jeu de rôle qui commence à aborder, on l'a vu par exemple avec Jérôme Larrey, Coralie David et Thomas Planck, qui on est. La réflexion qu'on a eue tous ensemble dans ce numéro de ludologie, c'était on est passé de tuer des dragons à parler du sida, par exemple. Quelle a été, selon toi, l'évolution qu'a connue le jeu de rôle grandeur nature? Alors, effectivement, il y a cette évolution, on est toujours en train de la vivre. Alors, d'où ça, on peut parler du vieillissement de la population ou cette sorte de choses. Je pense qu'il y a effectivement mais on en revient même, enfin voilà, le jeu de rôle sur table, si on prend la transition wargame, donc vraiment, on a des troupes qui se tapent dessus à jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons, Chainmail, on a des petites escarmouches, et après on a des individus, donc peut-être qu'ils ont des motivations, et donc arriver au jeu de rôle sur table moderne, et après on va faire autre chose que tuer des gens, on va parler, on va s'interroger. On a vu un peu la même chose dans le GN, où il y a eu effectivement une évolution entre on va refaire les chasses au trésor et les donjons vers des choses plus intimistes. Moi, je pense que c'est lié à tout un tas de choses. Il y a la quantité de jeux. Je pense que quand tu découvres à peine n'importe quel jeu, que ce soit le jeu de rôle ou le GN, n'importe quelle partie est géniale, elle est nouvelle, elle est voilà, c'est l'émerveillement. Après, avec le temps, tu as envie de choses différentes. Et tout comme quand t'es gamin, bah t'aimes bien les histoires de sorcières et de merveilleux. Après, quand t'es ado, t'aimes bien les histoires de vampires dark et ce genre de choses un petit peu rebelles. En devenant adulte, tu te poses des questions sur les grandes questions. Voilà, tu vieillis, donc tu prends conscience de ta mortalité. T'es en couple, tu vis des ruptures, donc tu t'interroges sur le couple, sur la durée du couple, sur les relations parents-enfants, sur la maladie. Et toutes ces questions-là qui te travaillent, tu peux y réfléchir en étant exposé à des œuvres d'art de manière passive, donc en regardant des films, des pièces de théâtre, en écoutant des chansons tristes. Mais le fait de les traiter ces thèmes-là en jeu de rôle, donc ces thèmes qui vont te travailler un peu plus tard dans ta vie, le fait de les traiter en jeu de rôle va te donner on en revient à l'immersion, une implication personnelle beaucoup plus forte, parce qu'au lieu juste de recevoir, tu vas y mettre du tien. Et le fait d'y mettre du tien va te permettre de réfléchir à la question, va te permettre de t'immerger dans telle ou telle situation, de peut-être comprendre mieux la perspective de quelqu'un qui aurait vécu telle ou telle expérience que toi tu n'as pas vécu. Après, faut sans doute mettre des limites pour pas arriver à l'auto-psychothérapie de comptoir avec tous les dangers que ça peut avoir, mais je pense que c'est tout simplement les gens vieillissent, ont des questions et ont un médium qui est beaucoup plus impliquant et beaucoup plus flexible que le fait d'être passif devant une œuvre. En fait, ils sont co-créateurs. Il s'implique vraiment profondément. Donc soit verbalement, et le verbal peut déjà être extrêmement fort, autour d'une table de jeu de rôle, tu peux arriver à des rires et à des larmes, donc ça montre bien que la parole est très forte, tout comme un jeu vidéo peut te déclencher les mêmes choses. Et en GN, la différence, c'est qu'en plus, ben voilà, t'auras le côté corporel, donc quand quelqu'un joue quelqu'un de triste, qui a besoin d'être réconforté, tu vas le prendre dans tes bras, tu vas lui caresser les cheveux, dire là, ça ira, quoi, et là, ça va te mettre bien plus dans ces questions-là, vraiment, encore une fois, dans ta corporalité, quoi. Justement, en parlant de corporalité et de type de 2m50 qui veulent jouer des hobbits, il y a une question qui est d'une actualité assez assez prenante dans la société en règle générale, au sens large, depuis quelques années. Je n'imagine pas qu'elle n'ait pas pu se poser en grandeur nature, c'est la question du genre. Des filles qui jouent des personnages masculins, des garçons qui jouent des personnages féminins, et tout ce que ça peut interroger et tout ce que ça peut permettre d'explorer, c'est des choses, j'imagine, sur lesquelles il y a une réflexion assez avancée. Ah oui, non, non. Complètement. Bon, encore une fois, c'est les Nordiques qui ont poussé la chose loin. Et encore une fois, ça va varier vraiment de groupe à groupe. Il y a des groupes, et de pays à pays aussi. Par exemple, les GNistes d'Europe de l'Est ont pas mal de difficultés avec le fait de laisser les gens jouer l'autre genre. Les Nordiques sont bien plus en avance là-dessus, et ont notamment écrit un jeu qui s'appelle Mad About the Boy, qui est inspiré du comics Why the Last Man, qui est un monde post-apocalyptique où tous les individus qui avaient un chromosome Y sont morts. D'un coup. Donc la moitié de l'humanité est morte, et donc ben, il faut gérer la suite, et il n'y a que des femmes. Et donc ils ont fait jouer le jeu un petit peu adapté à la sauce nordique, où c'était seulement pour des joueuses. Et après, ben, des joueurs qui ont dit « Ouais, mais nous aussi, on voudrait bien jouer. » Donc ils ont refait le jeu en autorisant les joueurs mâles à jouer ce jeu, mais ils devaient interpréter des personnages femmes. Et donc, pour éviter que ça tourne à la cage aux folles et un traitement du genre un peu débile, bah, y a des ateliers de préparation. On demande aux gens d'amener des costumes qui sont réalistes. Et notamment, bah, moi, je l'ai joué en Suède. Et on a 2 jours avant de se mettre à jouer, où notamment les mecs apprennent un certain nombre de choses comme s'asseoir, mais pas comme ils sont habitués, avec les cuisses écartées, un petit peu vautrées en arrière, mais apprendre par exemple à croiser les jambes. Ils apprennent aussi à fermer leur gueule, ce qui est souvent difficile pour un homme, parce que les hommes sont habitués à occuper le terrain dans des conversations. Là, on a quand même un bon petit podcast de testostérone à 3 gars. Hein. C'est pas pour rien non plus. Les hommes sont habitués à vraiment occuper le terrain de la parole. Non, mais tu remarqueras qu'on te laisse beaucoup occuper le terrain à toi. Hein. On essaye de pas trop se la ramener. Vous êtes des gens bien et gentils. Mais c'est votre côté féminin. Sans doute. Non, mais au-delà des stéréotypes, on apprenait aussi à marcher différemment, ce genre de choses. Et c'est clair que ça, c'est pour le coup, c'est sans doute le jeu qui est le plus resté dans mon corps. C'est-à-dire que dans les 2 jours qui suivaient, j'avais passé tellement de temps à me concentrer, à gérer mes épaules et mes hanches différemment, que ça a pris un certain temps à se recaler dans la réalité. Donc voilà, ça c'est un exemple d'exploration du genre qui va à fond, quoi, qui pousse vraiment le test jusqu'au bout. Et maintenant, dans la plupart des jeux nordiques, tu peux décider de jouer le genre que tu veux. Ils vont juste mettre un peu des limites et demander un certain respect aussi sur le truc. L'idée n'est pas de faire des drag queens ou de faire des choses qui pourraient potentiellement choquer des personnes trans. Au contraire, c'est de voir ça comme une exploration sérieuse. Après, c'est pas non plus le GN moyen, quoi. Là, tu évoques un truc qui est une de mes marottes actuelles, qui est le méta-jeu, c'est-à-dire la préparation, le briefing ou le débriefing. Et justement, comment il s'incarne dans un jeu de rôle grandeur nature? Comment ça se prépare ou ça se démonte, un jeu de rôle grandeur nature? Alors, en termes de briefing et de débriefing, déjà, ça se prépare dès le design du jeu, dès l'écriture. Donc, c'est important que si on écrit un scénario, il faut savoir ce qui va se passer hors du jeu avant et après. Dans la plupart, il faut être très honnête, la plupart des briefings de GN, c'est un petit rappel des règles de sécurité, dire attention, à tel endroit, il y a un trou, on a mis de la rubalise blanche et rouge pour pas que vous y alliez. On tape pas la tête, on fait pas de coup d'estoc avec les armes, et puis roule ma poule, on y va, quoi. Et le débriefing, c'est très souvent, voilà, vous allez sortir du camping à tel endroit, enfin voilà, il y a ce côté très basique logistique. Plus le jeu a été intense, plus il faut le préparer avant, et plus il faut le débriefer après. Et il y a plein de manières de le faire. Ça peut être souvent des rituels, ça peut être un cercle, ça peut être se séparer en petits groupes, parler deux par deux. Ça peut être prendre l'email de quelqu'un de manière obligatoire et lui envoyer un mail une semaine plus tard en lui disant « Ouais, ça va, comment t'as vécu le truc ?» Ça peut être des questionnaires après. Il y a tout un tas de manières, ça peut être demander aux gens d'écrire quelque chose. Il y a tout un tas de manières d'aborder le jeu avant et après, donc il n'y a pas vraiment de recette. Globalement, on va dire l'approche française de ça, ça reste plutôt avant, on règle la sécurité, la logistique. Après, à la rigueur, on explique le scénario, s'il y avait des mystères, des choses à découvrir, notamment dans les gènes d'enquête ou magouilles, les gens adorent révéler toutes les crasses qu'ils ont faites, on ne fera pas que ça dure trop longtemps. Mais je pense que l'importance du débrief et du brief se fait vraiment quand il y aura une implication émotionnelle profonde, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des jeux très... on est là pour se détendre et on risque rien, quoi. Ma question portait non pas forcément du côté du créateur, mais par exemple, moi, de ce que j'ai vécu, je raconte ma petite expérience, c'est vraiment où il a fallu préparer son costume aussi, il y a ça. Il y a toute la partie accessoire aussi qui fait partie de la préparation, et j'imagine que c'est une toute autre logistique que un jeu de plateau, par exemple, qui soit un jeu de société. Ah oui, alors oui. Oui, en tant que joueur, non, donc ouais, donc là, c'est en tant que joueur, bah, si le jeu a des costumes un peu compliqués, parce qu'il y a des jeux contemporains où si tu joues un businessman, tu viens en costume, cravate et point barre. Mais effectivement, si tu vas jouer un elfe des bois et qu'il te faut des oreilles pointues en latex, un costume un peu médiéval vert camouflage, donc soit tu vas l'acheter, soit tu vas le préparer, ça peut être une source de plaisir. Il y a beaucoup de gens qui ont appris à coudre pour se faire des costumes. La fabrication des armes, maintenant, se fait sans doute un peu moins, parce qu'on peut les acheter, notamment sur Internet. Il y a des gens qui se font fabriquer des armures et des armes sur mesure. Et tout ça par aide, soit parce qu'on aime tout simplement fabriquer et utiliser ses mains, soit simplement ça aide à se mettre dans le personnage. Et effectivement, là, il y a un travail de préparation qui, comparé à un jeu de société normal, sera beaucoup plus grand. Et puis aussi, après, quand tu reviens d'une partie de, je sais pas moi, des colons de Catan, t'as pas de la boue plein les bottes et du blé à stocker ou que sais-je. Effectivement, quand tu rentres de GN, tu gardes des traces avec toi qui peuvent aller de courbatures à des objets, à ce genre de choses. Et donc le jeu, la durée du jeu en elle-même peut parfois être inférieure, effectivement, de loin, au temps de préparation et au temps de gestion derrière et de discussion après. Voilà. Finalement, j'ai l'impression que en jeu, exception à l'exception notable du jeu de rôle, la corporalité, ça a toujours été un truc assez présent. Si on regarde sur du jeu vidéo, du jeu de société, on a aussi bien les bornes d'arcade, notamment côté jeu vidéo, avec tout un tas de jeux de course où faut quand même enfourcher un véhicule, des jeux de tir où faut avoir l'objet en main pour bien viser, mais on peut parfaitement prolonger avec la Wii, qui est un peu le portage de l'arcade, à la maison, la Wii, et puis ses descendants. Côté jeux de société, on a quand même beaucoup de jeux, les moins connus n'étant pas des jeux comme Jungle Speed, par exemple, où les réflexes sont présents, où il faut, vraiment où on met ses capacités physiques en jeu. C'est quelque chose d'assez commun. Alors probablement pas autant poussé que dans le GN, mais c'est quand même quelque chose de très transversal au jeu depuis très longtemps. Enfin, je pense au jeu de, on y reviendra dans la saison, mais je pense au jeu de bistrot que sont aussi le flipper ou le babyfoot. C'est corporel fondamentalement. Ah, tout à fait. Et puis ça revient en fait au côté animal. Outre le côté réussite échec, où là il y a le côté défi, donc on se rapproche du sport, que ce soit la pétanque, les fléchettes, où on voit effectivement en utilisant son corps est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on a perdu de manière immédiate. Il y a tout simplement le côté animal. Un animal qui court après sa queue, ou deux chatons qui jouent à se battre, ils en retirent un plaisir. Alors après on va pas faire de la biologie de l'évolution, mais l'activité est intrinsèquement, les récompenses intrinsèquement, elle est agréable en tant que telle. Utiliser son corps pour quelque chose qui n'est pas de la survie, ça peut être super fun. Donc on en revient aux plaisirs les plus basiques. Vraiment le retour, c'est agréable. Et après, il y a, pour les tout ce qui est bande arcade, des choses, il y a la question de la simulation où on y croit plus si on est sur un véhicule qui a l'air de bouger pour faire une moto que si effectivement on a juste un paddle. Mais je pense qu'on en revient vraiment aux mécanismes de récompense intrinsèque du cerveau qui font que si tu mobilises, tu joues, jouer avec son corps peut être intrinsèquement agréable, et c'est pour ça que c'est si plaisant et que ça va pas nous lâcher, quoi. Il y avait un exemple de jeu vidéo récent là que j'ai vu sur Internet où donc c'est un jeu en réalité augmentée. On a un casque de réalité virtuelle, mais qui se déroule dans un vrai lieu physique. Donc les murs, ce qu'on voit avec ses yeux, c'est ce qui est projeté sur l'écran du casque de réalité virtuelle, mais ce qu'on touche avec ses mains sont les vrais murs de la salle. Et donc l'effet est plus fort parce qu'on sent les courants d'air, on a des vrais murs, des vraies structures. Donc toutes les apparitions de monstres et choses sont visuelles seulement, mais on a une sensation du corps qui vient de choses que le casque n'arrive pas à faire. Donc ça, je pense que ça reste la meilleure machine. On a survécu des millions d'années parce qu'on a des inputs dans le corps qui nous disent attention, il y a un trou, attention, il fait chaud. Et donc ça, c'est on en revient vraiment au côté biologique du jeu, quoi. Tu évoques beaucoup le système de. Que le jeu procure du plaisir, qu'il y a une sorte de gratification aussi, des fois, dans le jeu. Ce qui pose une question qui est-ce que, par exemple, il existe des compétitions de jeux de rôle grandeur nature? Puisque je sais que, en tout cas, sur le jeu de rôle papier, c'est très. C'est compliqué. Discuté, dirons-nous. Voilà. Alors, les seules compétitions de jeux de rôle grandeur nature que je connaisse, c'est pas des jeux de rôle grandeur nature, c'est les Belges qui ont développé un système de combat d'escrime de GN. Donc, au lieu de faire de l'escrime où tu fais des touches avec des fleurets et tout ça, bah t'as là, t'as la même chose avec épée en mousse, quoi. Donc là, c'est plus un sport qu'autre chose. On en revient à la question de pourquoi les gens jouent. Si le but de faire du jeu de rôle est d'incarner un rôle, tu vas chercher le côté roleplay. Si ton but c'est d'inventer de belles histoires, tu vas chercher à faire de beaux arcs narratifs. Si ton but c'est de tester des choses que tu n'arrives pas à faire dans la vraie vie, tu vas chercher ça. La notion de gagner, elle va dépendre vraiment de ce qui te motive à faire ce loisir. Et comme ce loisir permet tout ça, à différents degrés et plus ou moins bien selon les jeux, ça va vraiment dépendre de ce que tu cherches. Et comme je pense que l'immense majorité des gens qui font du jeu de rôle grandeur nature ou même du jeu de rôle sur table n'ont pas une notion très claire de ce qui consiste à gagner un GN ou ne sont pas là pour ça. Disons que chacun aura sa propre définition. Et jusqu'ici, on va dire dans les GN à la française, la règle numéro un de savoir si tu as gagné, c'est est-ce que tu t'es amusé? Donc comment est-ce que tu vas mesurer que tu t'es plus amusé que l'autre? C'est une bonne question. Et la deuxième, en règle générale, c'est si ton personnage avait des motivations, des objectifs, est-ce qu'il les a atteints, tu vois? Ce serait une manière de le faire. Mais comment est-ce que tu vas jauger que les gars qui jouent un autre jeu dans la part d'à côté ou à l'étage d'à côté, comme ça a été fait dans des soirées où il y avait beaucoup de gènes en parallèle, par exemple dans une tour à la Sorbonne, tu vas respecter l'intimité et la vision de chaque jeu, tu vas pas aller commencer à noter ou à dire non, ça c'est du bon GN ou du mauvais GN, on n'est pas là-dedans, c'est une expérience qui est tellement personnelle, je pense que les gens sont pas là pour ça, quoi. Oui, puis même il y a une diversité de points de vue qui fait que on n'a pas tous la même expérience du jeu de toute manière. Mais alors, du coup, ça pose quand même la question de gagnant-perdant qui reste une question en tout cas récurrente pour beaucoup. Moi, j'avais lu une théorie. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas la source sous les yeux qui disait peut-être que dans le jeu de rôle, en tout cas papier, le joueur affrontait en tout cas le créateur, alors que dans le jeu de rôle grandeur nature, ce serait peut-être un système ou une histoire contre lequel se bat le joueur. Quelle est ta pensée là-dessus, sur ces théories? Après, je simplifie à l'extrême. J'ai l'impression que la différence de tout à l'heure sur le fait qu'un créateur en GN a beaucoup moins de contrôle sur sa création, ou alors il a intérêt à mettre tout son contrôle avant, histoire qu'après tout se déroule sur des rails qu'il aura à la rigueur ou des mécaniques qu'il aura assez impliquées. Donc effectivement, vouloir entre guillemets avoir la main mise et donc que des gens luttent contre son œuvre en tant que créateur de gènes, c'est un petit peu plus difficile. Mais honnêtement, même en jeu de rôle sur table, enfin moi quand je fais du jeu de rôle sur table, je ne lutte pas contre un créateur ou on en revient à la question du gamist, narrativiste, simulationniste, donc toutes les théories sur voilà pourquoi est-ce que les gens jouent. Si ton but c'est effectivement de vaincre de finir le donjon ou de résoudre l'enquête, là oui, tu vas avoir des conditions de victoire assez claires, mais tu peux les avoir la même chose en GN. Est-ce que tu as massacré le camp d'en face? Est-ce que tu es devenu le prince des vampires de la ville? Tu peux jouer comme ça en GN aussi. Et à l'opposé, si ton but c'est de monter une belle histoire, d'écouter les autres ou de vivre de grands moments de roleplay autour d'une table, tu peux faire la même chose en grandeur nature. Je pense que les deux, tu peux vraiment être jouer pour la gagne, on va dire d'un point de vue classique, jeu de société, jeu vidéo, pour les points, pour buter le plus d'ennemis, dans les deux cas, hein, que ce soit avec des dés ou avec ton épée en mousse. Moi j'ai vu les comportements dans les deux sens. Si tu joues pour explorer des émotions intenses, t'as ton critère de victoire pourra se faire que ce soit en verbal autour d'une table ou en physique, sur est-ce que j'ai pleuré par exemple. Enfin moi je me moque souvent de certains GNistes nordiques où il y a vraiment le côté que ouais ils jouent pour la gang et pour eux la gang c'est celui qui a le plus pleuré ou qui s'est plus retourné l'esprit voilà, c'est pas un macam, mais il y a des gens qui jouent pour ça. Donc, tu vois, je pense pas que que l'un des deux conditionne vraiment les types de conditions de victoire ou l'adversité. L'adversité, elle s'applique à tous les deux, je pense. Plus t'écoutes, plus je me dis que quelque chose qui paraît intuitif à la base, qui est la porosité entre les joueurs de jeux de rôle et les joueurs de GN, enfin, le fait qu'on puisse passer de l'un à l'autre, quelque chose qui semble évident a priori, plus je t'écoute, plus je me dis que c'est finalement pas évident, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les rôlistes sont pas nécessairement les personnes les plus sportives au monde, de façon, c'est de la caricature à grands traits. Mais au-delà de ça, parce que souvent, en jeu de rôle aussi, les histoires qu'on produit, c'est quand même une équipe de héros face au reste du monde. C'est pas un modèle qui peut fonctionner en GN, pour le coup on est dans des individualités qui s'entrecroisent beaucoup plus. Oui, alors ça c'est vrai, la notion de l'équipe de PJ et du player versus environment et tout ça est beaucoup plus compliquée à mettre en place en GN. Elle est faisable, mais elle demande beaucoup plus de personnes. L'exemple typique, c'est si tu veux faire un groupe de héros et une armée d'orques en face, il te faut une phrase en jeu de rôle. Pour un GN, il va falloir que tu trouves une armée de volontaires qui sont OK pour jouer les orques pendant un week-end alors que les autres jouent les héros. Donc ça, typiquement, ça va être difficile. C'est faisable. Il y a plein de GN zombies qui fonctionnent à peu près comme ça, où souvent tu termines le GN et t'es effectivement entouré d'une armée de zombies. C'est juste les joueurs qui se sont transformés en zombies au fur et à mesure. Donc oui, là, il y a des... Il y a des différences sur la notion d'adversité et de réussite. Je crois que j'ai oublié le début de ta question. Ah oui, sur le côté du physique, alors c'est effectivement un stéréotype, sachant qu'encore une fois, un GN peut se faire dans un salon, dans une salle de classe, sans courir, sans taper. Non, mais c'est vraiment important parce qu'on a cette image. Moi, la raison principale pour laquelle je m'y suis pas mis au début, c'est hors de question que j'aille me foutre dans la forêt avec des inconnus, à camper sous la pluie et à me faire taper dessus par des épées en mousse, quoi. Et après, j'ai découvert que non, en fait, voilà, ça je comprends tout à fait. Voire en plus déguisé dans un truc soit qui coûte cher, soit qui est moche, soit les deux. De maille pas confort. Voilà. Donc là, je comprends tout à fait. Et c'est là que je dis, ben non, ça c'est une partie. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Tu peux faire une réunion pour en revenir au classique du GN vampire. Une réunion de vampires conspirateurs autour d'une table, puis comme en plus tu vois ils boivent du sang, bah ils vont rien boire, à la rigueur tu mets du jus de raisin, et bah niveau physique et niveau adversité, effectivement là t'auras plus un réseau, et niveau corporel t'auras rien à gérer, t'auras pas besoin d'être en forme, donc oui, tu vas avoir moins de moi seul contre le monde, tout simplement parce que le monde dans sa globalité physique c'est difficile, ouais. Oui, puis parce que le rôliste, il est aussi habitué à parler, admettons. Mais la question de la gestuelle, puisqu'on parle du corps, c'est pas la même chose quand même. Alors oui, et ça, c'est là où il y a des blocages. Les gens qui bloquent sur le costume, c'est facilement réglable. Faites du contemporain, les mecs, il n'y a pas de problème. Les gens qui bloquent sur la gestuelle et sur le fait notamment de rester dans leur personnage non-stop, ou presque non-stop, ouais, ça c'est un problème, et donc c'est là où je conseille aux gens de jouer entre potes, ou en tout cas entre gens soit dont tu te fous complètement de l'opinion, soit des gens qui sont un esprit un peu charitable, et donc c'est ok, on va, d'ailleurs même en GN et même entre GNistes aguerris, c'est important au début de se dire ok, c'est bon, on va être un peu débile, on va faire des trucs un peu ridicules, mais c'est pas grave. L'avantage par rapport au théâtre, parce qu'on en vient là, c'est qu'il n'y a pas de public passif. Il n'y a pas de gens qui sont venus, qui ont payé pour être divertis. On est tous en train de créer quelque chose. Et si on joue comme des brels, c'est pas grave, parce qu'on est tous dans le même niveau, quoi. Donc ça, c'est le truc aux rôlistes qui ont du mal à utiliser leur corps, à bouger et tout. Mais c'est pas grave, on est tous dans la même situation. Ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique. Et voilà, quoi. J'imagine que... Enfin, c'est des choses qu'on dit aussi du jeu de rôle de toute manière, hein, mais j'imagine que être passé par le théâtre, alors je parle du théâtre, mais je pense en particulier le théâtre d'improvisation, ça aide. Alors ça aide pour, en fait, ça aide le plus, je pense, c'est pour l'écoute. Donc ça aide, enfin, le théâtre en général aide pour, prendre un minimum conscience de son corps et tout ça, même si moi, enfin, j'en ai fait très peu, un petit peu au collège. Mais je pense l'impro aide surtout pour l'écoute et sur le fait de fonctionner à plusieurs. Il y a beaucoup de gens qui notamment, mais même en jeu de rôle sur table d'ailleurs, ont repris les codes de l'impro, notamment sur le fait de ne pas refuser une offre. Quand quelqu'un lance un élément narratif, une offre, un début de choses, on le bloque pas, on l'ignore pas, on, on prend, on rebondit et on joue avec. Donc là-dessus, ouais, ça peut permettre d'avoir une bonne communication, une bonne entente avec les autres joueurs. Parce que comme on ne sait pas d'où ça va venir, ça reste improvisé. C'est une bonne chose. Après, on n'est pas non plus en représentation face à un public passif, donc il faut vraiment prendre conscience qu'il n'y a pas de star, quoi. Tout le monde est là pour fournir et créer, donc il ne faut pas non plus occuper trop le terrain non plus, quoi. Moi, j'ai un souvenir dans l'une de mes deux parties de GN, d'une attaque pendant la nuit, et ça m'a fait penser cette comparaison jeu de rôle grandeur nature à la temporalité aussi. La temporalité n'est pas la même. Et comment elle se gère dans le jeu de rôle grandeur nature? Alors, je dirais mal. le grand avantage du jeu de rôle sur table, c'est effectivement la gestion de la temporalité. On fait des flashbacks, on fait des flash-forward, on fait tout ce qu'on veut avec le temps. Et on peut dire 20 ans plus tard. En GN, c'est possible quand tu as un jeu un petit peu expérimental qui se passe dans une seule pièce et donc tu peux hurler 20 ans plus tard. Et à ce moment-là, tout le monde se met à jouer 20 ans plus tard. Mais il faudra gérer les costumes, ce genre de choses s'il y en a. Donc en général. Dans cette tête. Voilà, mais c'est possible. On est plus effectivement dans le jeu expérimental qui a souvent pas de costume. On est plus à mi-chemin entre les deux. On appelle ça le freeform. Ce que je recommande à tout le monde, d'ailleurs, qui est une bonne méthode pour faire entre les deux. Mais l'exemple typique, voilà, de l'attaque pendant la nuit. En règle générale, un GN va se passer en temps continu. Parce que on n'a pas le temps de faire passer, ou les possibilités techniques de faire passer l'information à tout le monde que le temps s'est modifié. Donc on va dire, bah voilà, la nuit, c'est la nuit. On en revient à la question du confort sur est-ce qu'on laisse les joueurs dormir. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a une durée limitée, mais comme tout se passe. Ouais. Voilà, non, mais c'est, on en revient vraiment, voilà, à la sécurité et à l'effet du corps, du manque de sommeil. Mais vraiment, la question sur la durée, comme c'est un événement qui a une durée limitée, qui demande une logistique importante, donc on peut pas dire bon, on va finir le scénario la semaine prochaine. Ça se trouve, le château, on l'a loué pour une fois et on pourra pas le réutiliser la semaine prochaine. Donc il faut que le jeu se termine en temps imparti. Et donc il faut qu'il se passe un certain nombre de choses. Donc on équilibre entre le réalisme et l'envie qu'il se passe plein de trucs. Et on a en plus le problème de, selon les univers, que le rapport au temps, il a varié selon les époques. Et typiquement, quand je suis à Conquest of Mythodea, qui est le plus gros GN du monde, qu'il y a 8000 personnes et que je dois prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est dans un autre camp à 2 km de marche, il a intérêt à être là, effectivement, à midi, sans montre, c'est-à-dire plus d'ombre dans le piquet qui est planté dans le sol, parce que sinon on va se rater, quoi. Et là, quand t'as raté le gars, et bah, t'es pas content parce que tu viens de mettre en l'air une heure de jeu, et voilà. Donc oui, là, la temporalité, c'est un des points faibles. Ouais. Tu parlais brièvement là de Freeform. Est-ce que tu veux bien revenir dessus? C'est quoi? C'est au GN traditionnel ce que Dogville est au cinéma hollywoodien? Alors ouais, d'ailleurs on parle de GN Dogville en anglais, c'est les tape LARP. C'est une des manières de le faire, c'est-à-dire bah voilà, on n'a pas de décor, mais c'est pas grave, on va le matérialiser par du scotch par terre. J'ai fait un jeu comme ça qui s'appelle The Kick Inside, où tu joues un couple à trois ans de sa vie, donc jeune couple, moyen et puis vieux couple, qui est dans une maison de vacances. Et donc le plan de la maison de vacances est fait juste par les pièces sont scotchées au sol. Et donc tu te déplaces physiquement. Vraiment, si tu vas dans la cuisine, tu vas dans la cuisine. Mais il n'y a pas de mur, hein. C'est tout scotché au sol. Donc c'est à toi d'imaginer que tu es dans la cuisine. Après, tu n'as même pas besoin d'avoir du scotch au sol. Tu peux juste dire, voilà, le coin de la pièce là-bas, c'est la cuisine. Et donc c'est un bon moyen pour... là, ça demande de l'imagination. Et c'est un bon moyen pour les rôlistes de se mettre pour le coup à utiliser leur corps en leur disant, ben non, c'est bon, tu restes dans ton salon, mais au lieu de rester assis, de dire, je vais voir machin au magasin qui a la caisse enregistreuse, tu te déplaces un peu vers machin qui est en train de faire semblant de taper sur sa caisse enregistre. C'est une version, voilà, light, avec moins de décor, moins de costume, voire pas du tout, mais où t'es quand même en train d'utiliser ton corps, et surtout t'es ton personnage non-stop. Et là, comme c'est souvent dans des jeux, dans des petits jeux, où l'organisateur, s'il est là, a une vision globale, il peut faire des 10 ans plus tard, et faire des pauses, et faire des choses comme ça, parce qu'il a, un contact vocal avec tout le monde, quoi. Tu as parlé à plusieurs reprises des gens du Nord, des Suédois, des Norvégiens en jeu de rôle grandeur nature. Visiblement, il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe dans cette scène-là, de particulièrement expérimental notamment. À quoi ça tient d'après toi? C'est une bonne question. Parce que finalement, c'est des choses qu'on trouve aussi en jeu de rôle. Enfin, on a parlé il y a quelques mois déjà dans un précédent numéro de l'anthologie Norwegian Style en jeu de rôle traditionnel, si tant est qu'on puisse dire traditionnel, parce que pour le coup, c'est du tabletop, donc du jeu de rôle autour d'une table. Mais pareil, c'est des choses assez expérimentales. Il y a quelque chose de... Enfin, il y a un rapport au jeu bizarre dans les pays couverts de glace comme ça ou... Ouais, alors il y a plusieurs explications. Alors il y a peut-être une question d'œuf et de la poule, mais il y a un truc culturel. Alors là, on est vraiment dans un gros stéréotype culturel, mais bon. Il y a un côté perfectionniste. Ils ont un côté de quand on fait les choses bien. Il y a un côté efficacité, simplicité. Si on pense au design, aux meubles, ce genre de choses, on va pas faire dans le baroque, dans la fioriture. Si on a quelque chose de simple et d'efficace qui marche, on va essayer d'atteindre ce côté épuré. Il y a un côté pognon. C'est des pays riches, avec des gens qui ont du temps libre, qui sont hautement éduqués. C'est des gouvernements qui financent énormément les arts, et souvent des gouvernements qui ont reconnu le GN comme étant un art à part entière, et donc ils pouvaient recevoir des subventions de leur ministère de la Culture et pas de celle des Jeunesse et Sports, par exemple. Ou dans le cas du Danemark, c'est un loisir qui a été reconnu, enfin autant que le foot ou les scouts. Et donc c'est, on envoie ces gamins faire du GN jusqu'à ce qu'ils soient ados et ainsi de suite. Donc tous ces facteurs, on va dire de reconnaissance sociale, de qualité et d'attachement à faire les choses à fond, font que il y a eu des moyens qui ont été mis dedans. Et il y a aussi des gens, pour en venir, qu'on vieillit dans le jeu, qu'on poussait la chose. Et pour tous ceux qui considèrent que le GN est un art, comme tous les artistes, ils veulent pas juste refaire des copies de Quentin Latour et Picasso et compagnie. Ils veulent faire leur propre truc, ils veulent faire du nouveau. Et donc ils vont se mettre à expérimenter, à pousser l'art jusqu'au bout. Où sont les limites? Est-ce qu'on peut tester ça? Et donc voilà, à partir du moment où tu prends un loisir, on va dire, de manière très sérieuse, pour le foot, ce qui était à la base un jeu, c'est devenu un business avec des milliards et la FIFA et compagnie. Et puis pour le GN, ça a donné des choses expérimentales qui se rapprochent parfois de l'art contemporain ou d'événements qui visuellement se rapprochent d'un rendu cinéma. Typiquement le GN Battlestar Galactica, ils ont mis je sais pas combien de centaines de milliers d'euros dans le budget, encore une fois avec des subventions publiques, avec du Kickstarter, pour que visuellement le truc soit à un niveau hallucinant, quoi. Donc c'est juste que ils prennent ça au sérieux, ils font ça à fond, et ils ont envie de pousser les limites du loisir. Et en plus, ils théorisent le tout, ils écrivent des bouquins, et ils partagent leurs connaissances et leurs réflexions dans des cadres, on va dire, limite académiques, voire parfois complètement académiques. Déjà énervant. Alors, une théorisation, donc, et une institutionnalisation du GN, mais du coup ça pose la question de la vision d'auteur. Déjà, est-ce que tu penses qu'il y a en tout cas des auteurs, des grands, entre guillemets, en grand ou pas, est-ce qu'il y a des auteurs de jeux de rôle tout court, et si oui, comment ça se traduit? De GN, tu veux dire, Adrien? De GN, oui. Là, pour le coup, c'est intéressant de comparer les deux, parce que autant un auteur de jeu de rôle va écrire un livre qui va être donné à des joueurs, notamment à des meneurs de jeu qui après vont le faire vivre. Donc là, il a quand même un contrôle, on va dire, très écrit, très documenté de ce qu'il va faire. Autant un auteur de GN, déjà, est rarement seul, parce que gérer un événement avec des dizaines de personnes, ça demande un travail d'équipe. Donc il va devoir faire des compromis. Donc oui, il y a des GN d'auteurs, mais ils sont moins contrôlés, on va dire, qu'un petit film d'auteur, parce que c'est souvent du travail de groupe. Il y a des styles. Moi, je sais que j'ai des marottes et des manières de faire certains trucs. Donc j'ai certaines personnes qui s'inscrivent à mes jeux parce qu'ils aiment bien, les jeux que je fais. Mais à partir du moment où je travaille en groupe, va falloir faire des compromis. Un exemple typique, on a fait un jeu qui s'appelait Incarda Venenum, qui est un jeu romain, qui avait été lancé par des copains qui sont latinistes et qui étaient fans de la série Rome. Ils se sont dit, voilà, on va se faire Rome en GN, quoi. Et à force de déconner et de parler tout, il y a des bouts d'Astérix qui sont arrivés dedans. Le résultat final, c'était plus vraiment Rome. Donc voilà, je pense que maintenant, comme les gens commencent à peut-être effectivement penser plus leur jeu et réfléchir et soit faire passer des messages, soit explorer des choses, soit vouloir avoir un type d'expérience très précis, un chef de projet, on va dire plus qu'un auteur, va recruter des co-organisateurs qui sont dans le même délire. et va se mettre d'accord dès le début sur un peu qu'est-ce qu'il veut faire passer et à quelles conditions. Il y a des organisations très égalitaires, il y a des organisations plus où il y a quelqu'un qui a entre guillemets une vision artistique, c'est un grand mot mais voilà on va le dire comme ça, et est-ce que t'es dans le délire ou pas, et à ce moment-là bah, tu bosses avec lui ou pas, quoi. C'est faisable. Et justement, comment elle se traduit cette vision artistique? Et enfin, parce que bon, par exemple, un auteur de littérature, on va dire que c'est son style ou alors son sens du scénario. Un réalisateur, on va dire voilà, c'est sa construction de ses plans. Comment ça se traduit pour un concepteur de GN? Alors, dans le côté écrit. Très souvent, les personnages, et ça aussi, c'est aussi une des grosses différences entre le jeu de rôle sur table et le GN, le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent en GN, les personnages sont écrits à l'avance. Donc ils sont écrits par quelqu'un. Et donc ce quelqu'un, bah, c'est l'auteur du jeu ou les auteurs du jeu. Et donc même la manière dont les fiches vont être écrites, sur quoi on s'attarde. Si tu vas faire un GN histoire de famille, et que c'est que des histoires de coucherie, de scènes de boulevard, d'amants dans le placard, et que tu mets tout ça dans les fiches, tu t'attends à ce que l'ambiance du GN soit assez théâtre de boulevard. Si par contre tu fais des longues descriptions larmoyantes de choses horribles qui se sont passées, bah tu vas déjà un peu primer les gens. Donc l'auteur va faire passer ça par les feuilles de personnage, par le type d'histoire qu'il va raconter. Typiquement, même si la plupart des histoires tu les découvres en faisant le jeu toi en tant que joueur, moi si je vois un pitch où le royaume de Ashragor est sous les attaques du grand nécromant, heureusement il a convier les aventuriers à aller le sauver, ouais, bah j'y vais pas. C'est-à-dire que le pitch ne m'intéresse pas. Thor a fait des choix, c'est son kiff. Je sais que je vais avoir une histoire de médial fantastique standard, ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas. Donc là, on peut faire passer des thèmes, des envies, des structures scénaristiques dans l'écriture, et après, dans la mise en scène, donc là on se rapproche plus d'un travail de metteur en scène et moins de romancier, le choix du site, les consignes qu'on va donner aux joueurs pour les costumes, quel niveau de costume on demande. Est-ce qu'on autorise les chaussures modernes typiquement dans un jeu historique, ou est-ce que non, on fait chier en disant non, désolé, pour venir il va falloir que t'aies des pompes d'époque. Ça peut aller jusqu'à la version extrême de certains jeux où tu dois avoir des sous-vêtements d'époque. Mais ça c'est, on est vraiment dans la reconstitution historique. Donc voilà, ça va être l'écriture, les personnages, le type d'histoire qui est proposé, pas forcément qui va arriver à la fin, la mise en scène, et puis à la fin le casting, parce que c'est souvent des sur un jeu qui est énorme, là il y a tu prends les gens qui s'inscrivent, hein, t'as pas moyen de filtrer, mais sur un jeu qui est court et pour lequel tu veux une ambiance précise, tu peux faire remplir des questionnaires aux joueurs, leur demander un peu leurs attentes, leurs envies, leurs intérêts, est-ce qu'ils sont capables de faire ci ou ça. Et donc là, tu vas caster ton truc comme pour le coup, c'est un mélange de romancier et de metteur en scène, quoi. Du coup. Ça coûte combien de faire du GN? Parce que on parle de matériel, on parle de déplacement, c'est quand même international. On parle de jeux avec des gros décors, on parle de jeux où des fois il y a des grosses logistiques. J'imagine que ça doit quand même pas se faire à moindre frais, cette histoire. Alors déjà l'international, hein, c'est plus une marotte perso liée à mon statut de semi-nomade. Donc on peut jouer dans son coin. Hein. Ça c'est surtout si on est dans un centre un peu urbain, y a pas de souci. Pareil sur les costumes et la logistique, ça dépend du type de jeu qu'on veut. Si on veut du jeu l'immersion à 360 degrés, donc le what you see is what you get, ça va avoir un coût. Et comme en France, souvent en Suisse, le GN n'est pas subventionné en tant que tel, en fait, les coûts de production vont être divisés par le nombre de participants. Et donc, il faudra payer une participation aux frais. Donc le GN, ça peut être... Moi, je fais des GN gratuits. Quand les gens viennent chez moi, moi, si je fais une bouffe chez moi, je vais pas faire payer les gens. Hein. Donc si je fais un petit truc chez moi, c'est gratuit. Après, si j'ai besoin de louer un site, ça va dépendre du site. Si j'ai besoin d'acheter du matériel, ça va dépendre du jeu. Donc ça varie. Une petite soirée enquête entre potes comme ça, un huis clos, ça peut être réglé avec une participation frais de 10 €. Un gros GN sur 4 jours avec hébergement dans un lieu incroyable, tu peux passer les 150-200 €. Ce à quoi après tu faut même potentiellement rajouter une location, un achat de costume. Donc ça peut monter très très haut. Faut que je fasse les comptes une fois combien j'ai mis pour le Battlestar Galactica, parce qu'en plus je l'ai kickstarté, donc là j'ai mis plusieurs centaines d'euros dans le jeu, ouais. Les plus psychopathes en termes de dépenses restent quand même ceux qui se font fabriquer des armures sur mesure, et là on dépasse le 1 000 €, quoi. Là, c'est ouais, c'est un autre niveau. Et du coup, on pose la question monétaire, et est-ce qu'il y a des gens qui en vivent? Parce que c'est vrai que, par exemple, le jeu vidéo, on voit que les budgets dépassent l'entendement. Le jeu de société est un peu plus raisonnable. Le jeu de rôle, il y a Ah beaucoup bah de c'est la choses à raison dire. incarnée le jeu de rôle hein, financièrement. Et qu'en est-il du GN? Alors, globalement, non. C'est des organisations associatives. Les budgets se font, bah voilà, au ric-rac. On calcule les coûts, à la rigueur, une marge de sécurité, on divise par le nombre de joueurs. C'est un peu le modèle économique. En fait, y a beaucoup de problèmes liés à ça. Un des problèmes, c'est que la plupart de ces événements sont des one-shot, quoi. C'est un événement ponctuel. T'as passé des mois à écrire un scénario, à trouver le lieu, à fabriquer des choses. Donc, tu ne peux pas te payer tes heures. C'est juste pas possible. L'exception en termes vraiment d'entreprise qui tourne de manière, il y a encore du GN loisir, donc pas du GN d'entreprise. Bah, voilà, pour en venir à Conquest of Midodea, vu qu'il y a des milliers de personnes qui viennent, ils doivent avoir, je pense, 5 personnes à plein temps, et tout le reste, c'est des bénévoles. Donc c'est un modèle économique un peu biaisé. À partir du moment où tu as quelques personnes qui sont pros, mais comme un festival par exemple tournerait grâce aux bénévoles, c'est comme ça que les pros entre guillemets tournent. Il y a certaines personnes qui ont des boîtes de production où ils vendent des produits aux entreprises pour team building et ce genre de choses. Mais globalement, le fait d'écrire un scénario, surtout si c'est un nouveau à chaque fois, le temps passé en fait explose complètement. C'est pas d'en vivre de cette manière-là. La seule manière où c'est à peu près jouable, c'est si tu refais la même chose tout le temps. Donc tu n'as plus ce travail de scénarisation. Que si tu as acheté tes costumes et que tu les réutilises, tu les prêtes ou tu les empruntes. Et pareil pour le site, quoi. Donc moi je pense que la seule manière un peu viable de faire ce genre d'événement, c'est pas du GN mais ça s'en rapproche, c'est les escape games, les jeux d'évasion grandeur nature. Là j'en ai fait un la semaine dernière. Vraiment un cadre magnifique, plein d'énigmes à faire, de cadenas, de codes à trouver, d'indices, de trucs visuels, de petites choses à utiliser avec ses mains pour essayer de sortir de la pièce. Et il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scénario, c'est du matériel, un lieu, et qui est réutilisé plusieurs fois par soirée, plusieurs fois par semaine, sur des mois. Et là, ça peut être financièrement rentable. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas tout le travail de création et d'organisation, les joueurs sont mis dans un endroit, et ils jouent avec le matériel, et voilà quoi. Il me semble qu'il y a des structures aussi. Enfin, nous, on est installé en Bretagne avec Adrien. Il y a une structure notamment qui s'appelle Camp Dragon. Alors, je ne sais pas comment elle fonctionne financièrement, mais qui propose pas mal de choses justement orientées vers des entreprises qui oscillent entre le week-end pratique loisir et la semaine activité plus de séminaires ou en tout cas de team building, qui Voilà, peuvent c'est ça. trouver Là, leurs tu peux. équilibres. Là, tu peux. Voilà, là, tu peux. Et même là, c'est galère. En fait, là, tu es complètement dépendant de l'état économique du milieu dans lequel tu es. Bien sûr. Donc, typiquement, j'ai pas mal de connaissances qui ont dû arrêter cette activité-là après 2008, suite au fait Of que les course. entreprises avaient un peu moins de blé à mettre dans leur team building et préféraient aller leur faire faire du bowling ou un cours de sushi tous ensemble. Ça coûtait moins cher. Donc voilà, tu peux tenter. Mais ouais, trouver des boîtes qui ont le budget, et puis aussi souvent bah, les boîtes elles ont une taille variable, elles ont un cahier des charges précis, donc le temps que tu vas passer à customiser le truc, c'est faisable. Il y a des gens qui tentent, mais là c'est événementiel au sens large, ou du service aux entreprises que du GN classique. Des gens qui vivent du GN loisir avec des GNistes loisirs, ça peut pas marcher. Alors, on a dépassé allègrement l'heure de podcast. On est tranquillement On sur est le sur le Ricard, net. mais c'est bien. On est sur Internet, on fait ce qu'on veut. J'avais quand même quelques petites questions. On va s'acheminer tranquillement vers la fin du podcast, mais j'ai quelques questions avant. La première, c'est justement toi, tu viens du jeu de rôle. Je crois savoir que tu pratiques encore le jeu de rôle aussi. Est-ce que Tout à tu fait. as réinvesti des choses qui te viennent du GN dans tes parties de jeu de rôle? Bonne question. Je pense que ouais, au niveau roleplay, je me suis sans doute un petit peu décoincé. Donc vraiment l'interprétation du personnage, le fait un peu plus. Je suis plus ouvert au scénario qu'on appelle bac à sable, donc où il y a plus une situation de départ, des personnages qui ont des envies, et puis après, hop, on voit ce qui émerge. Les scénarios émergents, on va dire, vu qu'on peut pas vraiment faire de scénarios très linéaires en GN, je pense que quand je reviens à la table, je suis plus ouvert aux scénarios émergents, aux choses qui vont se créer à force d'interactions et de réseaux entre les personnages. Mais honnêtement, l'impact principal du GN, enfin de ma pratique du GN sur ma pratique sur table, c'est que j'ai beaucoup de mal à rester assis autour d'une table sans bouger et à attendre mon tour de parler. La déformation Parce professionnelle. qu'en GN, on ne s'arrête pas, c'est non-stop tout le temps. Ah, Tandis que sur effectivement. table, voilà, faut laisser passer la parole aux autres, quand même. Et on ne bouge pas, on est assis. Effectivement. On est dans les dernières questions. Alors, on a une dernière question traditionnelle, mais avant, j'en ai une autre qui va être plus spécifique, parce que le JN, je n'y connais trois fois rien. Moi, j'ai effectivement joué Dieu est mort il y a longtemps. Dieu est mort, c'est la soirée enquête dont tu parlais en début de podcast, où on joue des archanges et des princes démons qui ont appris que Dieu était mort et qui essayent de savoir comment ça a bien pu se faire et pourquoi. Mais au-delà de ça, j'ai très très peu d'expérience. Je crois que c'est le cas d'Adrien, qu'on a finalement assez peu aussi. Donc, voilà. Donc j'aurais voulu savoir, toi qui as l'air d'avoir pratiqué beaucoup, est-ce que tu peux nous citer trois GN, celui qui t'a le plus plu, celui qui t'a le plus surpris, déstabilisé, et puis celui que tu recommanderais à quelqu'un qu'on n'a jamais fait. Alors t'as coupé un petit peu sur le... Pardon, alors je vais repréciser. Donc celui qui t'a le plus plu, celui qui a été le plus déstabilisant, et puis le plus déstabilisant, étrange, bizarre, inattendu, et puis celui que tu recommanderais à quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle grandeur nature. Alors ouais, ça va être très très panel. Le plus c'est quasiment impossible. Je dirais qu'en tant qu'organisateur, c'est le dernier que j'ai fait afro-asiatique, qu'un GN Kung Fu Hip Hop, où justement le défi était... comme le GN est très souvent un milieu, on va dire, soit un peu acteur, soit un peu geek, donc pas du tout hip-hop, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire rapper des GNistes et donc voir des GNistes rapper, danser, se lancer des défis, faire des sortes de mini-battles, donc le voir réussir ça, c'est pour le coup, c'est ce qui m'a le plus plu, c'était voir que ce truc-là marchait, et en plus, visuellement, c'était dans un jardin zen, ça avait un look de malade. Donc là-dessus, ouais, c'était sans doute le plus gros kiff. En termes de déstabilisation, le Motherboard the Boy, on jouait des femmes, était pas mal, mais je pense que celui qui m'a le plus déstabilisé, c'est l'extrême de l'extrême de l'expérimental, qui s'appelle Soul Strip, où c'est un jeu conceptuel qui devait durer 20 minutes, où tu joues trois personnalités d'un amant planqué dans un placard. Donc tu joues trois traits de personnalité du même gars, et ça se joue à poil dans un espèce d'isoloir. Donc il a fallu pas mal d'alcool et le fait d'être dans un pays nordique pour se résoudre à tester ce jeu. Mais c'était intéressant. On a fait ça avec des Français, on a gardé nos bérets quand même par fierté nationale. On était déguisés ce jour-là, on a gardé nos bérets. Et voilà, donc on a joué le truc, on a joué les trois aspects de la personnalité. Donc ça, ouais, c'était assez marquant. Faut pas que ça dure plus longtemps que 20 minutes, hein, quand même, faut pas déconner. Et sinon, moi vraiment, ce que je conseillerais aux gens qui veulent se lancer, c'est de commencer petit. Et typiquement, d'aller à un truc qui s'appelle la nuit du huis clos. Et il y en a qui sont organisés un peu partout en France. Donc, soit ils ont envie de rien organiser du tout, et donc ils vont à la nuit du huis clos, qui sont des événements où il y a plein de jeux comme ça en huis clos qui sont organisés. Et, donc là, il y a très très peu de préparation à faire. Soit d'aller sur. Un site qui s'appelle l'univers du huis clos, où là il y a plein de scénarios tout prêts, et on peut les télécharger et jouer avec ses potes discrètement chez soi, et vraiment d'y aller tranquille. Je leur conseille pas d'aller se mettre, sauf s'ils aiment le camping et s'habiller en princesse ou en chevalier, je leur conseille pas d'aller se mettre un week-end dans la forêt, parce que pour peu que ça se passe mal, ça va être long, ça va être dur. Donc je préfère jouer sur une soirée, avec des costumes contemporains, avec des gens que vous aimez bien, ou dans un endroit où tout est prêt, c'est comme ça que ça peut bien se passer, je pense. Adrien, je vais te laisser la main pour clôturer tranquillement ce podcast avec les questions qui vont bien. C'est toujours à moi, c'est pas de rôle. non mais en tout cas oui, c'était en tout cas toujours un plaisir de découvrir de nouvelles choses, et c'est chouette qu'on termine avec cette avant-dernière question de comment s'initier au jeu de rôle. Mais là, la dernière question traditionnelle de ludologie, c'est toujours en ce moment, à quoi tu joues ? Et alors attention, hein, c'est jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo, faut pas hésiter à rayonner large. Ouais, mais justement, parce qu'on en revient à la question de la temporalité, quand tes jeux sont principalement des one-shot. Donc bah, mon dernier jeu, c'était c'était l'escape game de la semaine dernière. Mon prochain sera un Star Wars, donc là je suis en train de travailler sur le costume. Donc est-ce que ça fait déjà partie du jeu de bosser sur son costume, je sais pas. Mais la chose que je fais la plus régulièrement, c'est utiliser Zombies Run, qui est, je sais même pas si c'est un jeu, c'est ils vendent ça comme un jeu audio, mais en fait qui est une app pour gamifier un peu ton jogging. Et donc au fur et à mesure que tu cours, t'as des points, tu construis ta base un peu comme à la SimCity ou Farmville. et dans tes oreilles tu entends une histoire, mais tu peux pas vraiment intervenir sur le déroulement de l'histoire. Donc voilà, j'accumule des points, j'avance dans les missions et je construis ma base, mais je sais pas si je joue vraiment à Zombies Run. Ah, ça pose la question de qu'est-ce qu'est un jeu, et là je vous invite à réécouter le numéro 1 podcast de Ludologie. Voilà. Exactement. On boucle les boucles. En tout cas, merci beaucoup Thomas. Je rappelle à nos auditeurs que notre interlocuteur, hein, dont on a un peu redit le nom pendant cet épisode, c'est Thomas B, qui nous a parlé du jeu de rôle Grandeur Nature et de toutes les implications, notamment sur la corporalité, la présence du corps en jeu, et puis comment ça peut ouvrir des réflexions sur d'autres supports. Un podcast fort intéressant. Si jamais vous arrivez en fin de podcast, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, probablement mal, mais en tout cas, si vous avez raté le début, bah, réécoutez-le. Et si vous l'avez déjà entendu, je vous le recommande aussi. Et puis, si vous avez vraiment déjà tout entendu, que vous le connaissez par cœur, on a déjà 17 numéros avant, donc vous avez quand même moyen de vous faire un petit peu plaisir. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours avec un prochain épisode dont le sujet n'est pas déterminé. Autant dire qu'on y va un peu à la flèche. Oui. Mais on a plein d'idées pour cette saison. Il y a les utopiales aussi. Voilà, il y a les utopiales. Il y a les utopiales tout prochainement. Ce podcast d'ailleurs sortira au moment des utopiales où nous sommes présents. Donc on espère bien pouvoir enregistrer des petites choses. On a plein d'idées. Après, c'est toujours des petites problématiques de logistique, on dira. Mais en tout cas, on reste ici, on reste et vous aurez des choses à écouter pendant l'année. Et puis en attendant, continuez à jouer. Hein.